et lui rendait pour une heure une vie atroce d'intensité. Elle demeurait sur son lit, rigide, les yeux ouverts. Puis dès qu'elle apprenait, et elle se débattait, elle avait la force effrayante de ces folles hystériques qu'on est obligé d'attacher pour qu'elles ne se brisent pas la tête contre les murs. Ce retour à ses anciennes ardeurs, ses brusques attaques, secouaient d'une façon navrante son pauvre corps endolori. C'était comme toute sa jeunesse de passion chaude qui éclatait honteusement dans ses froideurs de sexagénaire. Quand elle se relevait, stupide, elle chancelait. Elle reparaissait si effarée que les commères du faubourg disaient « Elle a bu, la vieille folle !» Le sourire enfantin du petit Silbert fut pour elle un dernier rayon pâle qui rendit quelque chaleur à ses membres glacés. Elle avait demandé l'enfant, lasse de solitude, terrifiée par la pensée de mourir seule, dans une crise. Ce bambin qui tournait autour d'elle la rassurait contre la mort. Sans sortir de son mutisme, sans assouplir ses mouvements automatiques, elle se prit pour lui d'une tendresse ineffable. Roide, muette, elle le regardait jouer pendant des heures, écoutant avec ravissement le tapage intolérable dont il emplissait la vieille masure. Cette tombe était toute vibrante de bruit, depuis que Silver la parcourait à califourchon sur un manche à balai, se cognant dans les portes, pleurant et criant. Il ramenait Adélaïde sur cette terre. Elle s'occupait de lui avec des maladresses adorables. Elle qui avait, dans sa jeunesse, oublié d'être mère pour être amante, éprouvait les voluptés divines d'une nouvelle accouchée, à le débarbouiller, à l'habiller, à veiller sans cesse sur sa frêle existence. Ce fut un réveil d'amour, une dernière passion adoucie que le ciel accordait à cette femme toute dévastée par le besoin d'aimer, touchante agonie de ce cœur qui avait vécu dans les désirs les plus âpres et qui se mourait dans l'affection d'un enfant. Elle était trop morte déjà pour avoir les effusions bavardes des grand-mères bonnes et grasses. Elle adorait l'orphelin secrètement avec des pudeurs de jeune fille sans pouvoir trouver des caresses. Parfois, elle le prenait sur ses genoux, elle le regardait longuement de ses yeux pâles. Lorsque le petit, effrayé par ce visage blanc et muet, se mettait à sangloter, elle paraissait confuse de ce qu'elle venait de faire. Elle le remettait vite sur le sol sans l'embrasser. Peut-être lui trouvait-elle une lointaine ressemblance avec le braconnier Macquart. Silver grandit dans un continuel tête-à-tête avec Adélaïde. Par une cajolerie d'enfant, il l'appelait tante Did, nom qui finit par rester à la vieille femme. Le nom de tante, ainsi employé, est en province une simple caresse. L'enfant eut pour sa grand-mère une singulière tendresse mêlée d'une terreur respectueuse. Quand il était tout petit et qu'elle avait une crise nerveuse, il se sauvait en pleurant, épouvanté par la décomposition de son visage. Puis, il revenait timidement après l'attaque, prêt à se sauver encore, comme si la pauvre vieille eût été capable de le battre. Plus tard, à 12 ans, il demeura courageusement, veillant à ce qu'elle ne se blessât pas en tombant de son lit. Il resta des heures à la tenir étroitement entre ses bras pour maîtriser les brusques secousses qui tordaient ses membres. Pendant les intervalles de calme, il regardait avec de grandes pitiés sa face convulsionnée, son corps amaigri, sur lequel les jupes plaquaient, pareil à un linceul. Ses drames secrets, qui revenaient chaque mois, cette vieille femme rigide comme un cadavre, et cet enfant penché sur elle, épiant en silence le retour de la vie, prenait, dans l'ombre de la masure, un étrange caractère de morne épouvante et de bonté navrée. Lorsque Tandide revenait à elle, elle se levait péniblement, rattachait ses jupes, se remettait à vaquer dans le logis, sans même questionner Silver. Elle ne se souvenait de rien, et l'enfant, par un instinct de prudence, évitait de faire la moindre allusion à la scène qui venait de se passer. Ce furent surtout ces crises renaissantes qui attachèrent profondément le petit-fils à sa grand-mère. Mais de même qu'elle l'adorait sans effusion bavarde, il eut pour elle une affection cachée et comme honteuse. Au fond, s'il était reconnaissant de l'avoir recueillie et élevée, il continuait à voir en elle une créature extraordinaire, en proie à des maux inconnus, qu'il fallait plaindre et respecter. Il n'y avait sans doute plus assez d'humanité dans Adélaïde, elle était trop blanche et trop roide, pour que Silver osât se pendre à son cou. Ils vécurent ainsi dans un silence triste, au fond duquel ils entendaient le frissonnement d'une tendresse infinie. Cet air grave et mélancolique qu'il respira dès son enfance donna à Silver une âme forte où s'amassèrent tous les enthousiasmes. Ce fut de bonne heure un petit homme sérieux, réfléchi, qui rechercha l'instruction avec une sorte d'entêtement. il n'a pris qu'un peu d'orthographe et d'arithmétique à l'école des frères, que les nécessités de son apprentissage lui firent quitter à 12 ans. Les premiers éléments lui manquèrent toujours, mais il lut tous les volumes dépareillés qui lui tombèrent sous la main et se composa ainsi un étrange bagage. Il avait des données sur une foule de choses, données incomplètes, mal digérées, qu'il ne réussit jamais à classer nettement dans sa tête. Tout petit, il était allé jouer chez un maître Charron, un brave homme nommé Vian, dont l'atelier se trouvait au commencement de l'impasse en face de l'aire Saint-Mitre où le Charron déposait son bois. Il montait sur les roues des carrioles en réparation. Il s'amusait à traîner les lourds outils que ses petites mains pouvaient à peine soulever. Une de ses grandes joies était alors d'aider les ouvriers en maintenant quelques pièces de bois ou en leur apportant les ferrures dont ils avaient besoin. Quand il eut grandi, il entra naturellement en apprentissage chez Vian, qui s'était pris d'amitié pour ce galopin qu'il rencontrait sans cesse dans ses jambes et qui le demanda à Adélaïde sans pouvoir accepter la moindre pension. Silvère accepta avec empressement, voyant déjà le moment où il rendrait à la pauvre Candide ce qu'elle avait dépensé pour lui. En peu de temps, il devint un excellent ouvrier, mais il se sentait des ambitions plus hautes. Ayant aperçu, chez un carrossier de Plassans, une belle calèche neuve, toute luisante de vernis, il s'était dit qu'il construirait un jour des voitures semblables. Cette calèche resta dans son esprit comme un objet d'art rare et unique, comme un idéal vers lequel tendirent ses aspirations d'ouvrier. Les carrioles auxquelles il travaillait chez Vian, ces carrioles qu'il avait soignées amoureusement, lui semblaient maintenant indignes de ses tendresses. Il se mit à fréquenter l'école de dessin, où il se lia avec un jeune échappé du collège qui lui prêta son ancien traité de géométrie. Et il s'enfonça dans l'étude, sans guide, passant des semaines à se creuser la tête pour comprendre les choses les plus simples du monde. Il devint ainsi un de ces ouvriers savants qui savent à peine signer leur nom et qui parlent de l'algèbre comme d'une personne de leur connaissance. Rien ne détraque autant un esprit qu'une pareille instruction, faite à bâton rompu, ne reposant sur aucune base solide. Le plus souvent, ces miettes de science donnent une idée absolument fausse des hautes vérités et rendent les pauvres d'esprit insupportables de carrures bêtes. Chez Silvère, les bribes de savoir voler ne firent qu'accroître les exaltations généreuses. Il eut conscience des horizons qui lui restaient fermés. Il se fit une idée sainte de ces choses qu'il n'arrivait pas à toucher de la main, et il vécut dans une profonde et innocente religion des grandes pensées et des grands mots vers lesquels il se haussait sans toujours les comprendre. Ce fut un naïf sublime, resté sur le seuil du temple, à genoux devant des cierges qu'il prenait de loin pour des étoiles. La masure de l'impasse Saint-Mitre se composait d'abord d'une grande salle sur laquelle s'ouvrait directement la porte de la rue. Cette salle, dont le sol était pavé et qui servait à la fois de cuisine et de salle à manger, avait pour unique meuble des chaises de paille, une table posée sur des tréteaux et un vieux coffre qu'Adélaïde avait transformé en canapé en étalant sur le couvercle un lambeau d'étoffe de laine. Dans une encoignure, à gauche d'une vaste cheminée, se trouvait une sainte vierge en plâtre entourée de fleurs artificielles, la bonne mère traditionnelle des vieilles femmes provençales, si peu dévote qu'elle soit. Un couloir menait de la salle à la petite cour, située derrière la maison et dans laquelle se trouvait un puits. À gauche du couloir était la chambre de Candide, une étroite pièce meublée d'un lit en fer et d'une chaise. À droite, dans une pièce plus étroite encore, où il y avait juste la place d'un lit de sangle, couchait Silvère, qui avait dû imaginer tout un système de planches montant jusqu'au plafond pour garder auprès de lui ses chers volumes dépareillés, achetés sou à sou dans la boutique d'un fripier du voisinage. La nuit, quand il lisait, il accrochait sa lampe à un clou au chevet de son lit. Si quelque crise prenait sa grand-mère, il n'avait au premier râle qu'un saut à faire pour être auprès d'elle. La vie du jeune homme resta celle de l'enfant. Ce fut dans ce coin perdu qu'il fit tenir toute son existence. Il éprouvait les répugnances de son père pour les cabarets et les flâneries du dimanche. Ses camarades blessaient ses délicatesses par leur joie brutale. Il préférait lire, se casser la tête à quelques problèmes bien simples de géométrie. Depuis que Candide le chargeait des petites commissions du ménage, elle ne sortait plus, elle vivait étrangère même à sa famille. Parfois, le jeune homme songeait à cet abandon. Il regardait la pauvre vieille qui demeura à 2 pas de ses enfants et que ceux-ci cherchaient à oublier, comme si elle fût morte. Alors, il l'aimait davantage, il l'aimait pour lui et pour les autres. s'il avait par moments vaguement conscience que Candide expiait d'anciennes fautes, il pensait « Je suis né pour lui pardonner ». Dans un pareil esprit, ardent et contenu, les idées républicaines s'exaltèrent naturellement. Silvère, la nuit, au fond de son taudis, lisait et relisait un volume de Rousseau qu'il avait découvert chez le fripier voisin, au milieu de vieilles serrures. Cette lecture le tenait éveillé jusqu'au matin. Dans les rêves chers aux malheureux du bonheur universel, les mots de liberté, d'égalité, de fraternité sonnaient à ses oreilles avec ce bruit sonore et sacré des cloches qui fait tomber les fidèles à genoux. Aussi, quand il apprit que la République venait d'être proclamée en France, crut-il que tout le monde allait vivre dans une béatitude céleste. Sa demi-instruction lui faisait voir plus loin que les autres ouvriers. Ses aspirations ne s'arrêtaient pas au pain de chaque jour. Mais ses naïvetés profondes, son ignorance complète des hommes, le maintenaient en plein rêve théorique, au milieu d'un Éden où régnait l'éternelle justice. Son paradis fut longtemps un lieu de délices dans lequel il s'oublia. Quand il crut s'apercevoir que tout n'allait pas pour le mieux dans la meilleure des républiques, il éprouva une douleur immense. Il fit un autre rêve, celui de contraindre les hommes à être heureux, même par la force. Chaque acte qui lui parut blesser les intérêts du peuple excita en lui une indignation vengeresse. D'une douceur d'enfant, il eut des haines politiques farouches. Lui, qui n'aurait pas écrasé une mouche, il parlait à toute heure de prendre les armes. La liberté fut sa passion, une passion irraisonnée, absolue, dans laquelle il mit toutes les fièvres de son sang. Aveuglé d'enthousiasme, à la fois trop ignorant et trop instruit pour être tolérant, il ne voulut pas compter avec les hommes. Il lui fallait un gouvernement idéal d'entière justice et d'entière liberté. Ce fut à cette époque que son oncle Macquart songea le jeter sur les Rougon. Il se disait que ce jeune fou ferait une terrible besogne s'il parvenait à l'exaspérer convenablement. Ce calcul ne manquait pas d'une certaine finesse. Antoine chercha donc à attirer Silbert chez lui en affichant une admiration immodérée pour les idées du jeune homme. Dès le début, il fallait tout compromettre. Il avait une façon intéressée de considérer le triomphe de la République comme une ère d'heureuse fainéantise et de mangeaille sans fin qui froissa les aspirations purement morales de son neveu. Il comprit qu'il faisait fausse route. Il se jeta dans un pathos étrange, dans une enfilade de mots creux et sonores, que Silver accepta comme une preuve suffisante de civisme. Bientôt, l'oncle et le neveu se virent deux et trois fois par semaine. Pendant leur longue discussion, où le sort du pays était carrément décidé, Antoine essaya de persuader au jeune homme que le salon des Rougon était le principal obstacle au bonheur de la France. Mais de nouveau, il fit fausse route en appelant sa mère vieille coquine devant Silver. Il alla jusqu'à lui raconter les anciens scandales de la pauvre vieille. Le jeune homme, rouge de honte, l'écouta sans l'interrompre. Il ne lui demandait pas ces choses. Il fut navré d'une pareille confidence qui le blessait dans ses tendresses respectueuses pour tante Did. À partir de ce jour, il entoura sa grand-mère de plus de soins. Il eut pour elle de bons sourires et de bons regards de pardon. D'ailleurs, Macquart s'était aperçu qu'il avait commis une bêtise et s'efforçait d'utiliser les tendresses de Silver en accusant les Rougon de l'isolement et de la pauvreté d'Adélaïde. À l'entendre, lui avait toujours été le meilleur des fils, mais son frère s'était conduit d'une façon ignoble. Il avait dépouillé sa mère, et aujourd'hui, elle n'avait plus le sou. Il rougissait d'elle. C'était sur ce sujet des bavardages sans fin. Silver s'indignait contre l'oncle Pierre, au grand contentement de l'oncle Antoine. À chaque visite du jeune homme, les mêmes scènes se reproduisaient. Il arrivait le soir, pendant le dîner de la famille Macquart. Le père avalait quelques ragoûts de pommes de terre en grognant. Il triait les morceaux de lard et suivait des yeux le plat lorsqu'il passait aux mains de Jean et de Gervaise. « Tu vois, Silver, disait-il avec une rage sourde, qu'il cachait mal, sous un air d'indifférence ironique. Encore des pommes de terre, toujours des pommes de terre. Nous ne mangeons plus que ça. La viande, c'est pour les riches. Il devient impossible de joindre les deux bouts avec des enfants qui ont un appétit de tous les diables. » Gervaise et Jean baissaient le nez dans leur assiette, n'osant plus se couper du pain. Silver, vivant au ciel dans son rêve, ne se rendait nullement compte de la situation. Il prononçait, d'une voix tranquille, ses paroles grosses de rage. « Mais, mon oncle, vous devriez travailler. »« Ah oui !» ricanait Macquart, touché au vif de sa plaie. « Tu veux que je travaille, n'est-ce pas ? Pour que ces gueux de riches spéculent encore sur moi, je gagnerais peut-être 20 sous à m'exterminer le tempérament. Ça vaut bien la peine. »« On gagne ce qu'on peut, » répondait le jeune homme. 20 sous, c'est 20 sous, et ça aide dans une maison. D'ailleurs, vous êtes un ancien soldat, pourquoi ne cherchez-vous pas un emploi ?» Finn intervenait alors, avec une étourderie dont elle se repentait bientôt. « C'est bien ce que je lui répète tous les jours, » disait-elle. « Ainsi, l'inspecteur du marché a besoin d'un aide. Je lui ai parlé de mon mari, il paraît bien disposé pour nous. » Ma carte l'interrompait en la foudroyant du regard. « Hé, tais-toi » grondait-il avec une colère contenue. « Ces femmes ne savent pas ce qu'elles disent. On ne voudrait pas de moi. On connaît trop bien mes opinions. » À chaque place qu'on lui offrait, il entrait ainsi dans une irritation profonde. Il ne cessait cependant de demander des emplois, quitte à refuser ceux qu'on lui trouvait, en alléguant les plus singulières raisons. Quand on le poussait sur ce point, il devenait terrible. Si Jean, après le dîner, prenait un journal, « Tu ferais mieux d'aller te coucher. Demain, tu te lèveras tard, et ce sera encore une journée de perdu. Dire que ce galopin-là a rapporté 8 francs de moins la semaine dernière. Mais j'ai pris son patron de ne plus lui remettre son argent. Je le toucherai moi-même. » Jean allait se coucher pour ne pas entendre les récriminations de son père. Il sympathisait peu avec Silver. La politique l'ennuyait, et il trouvait que son cousin était toqué. Lorsqu'il ne restait plus que les femmes, si par malheur elles causaient à voix basse, après avoir desservi la table. « Ah, les fainéantes !» criait Macquart. « Est-ce qu'il n'y a rien à raccommoder ici? Nous sommes tous en loques. Écoute, Gervaise, j'ai passé chez ta maîtresse, où j'en ai appris de belles. Tu es une coureuse et une propre à rien. » Gervaise, grande fille de 20 ans passés, rougissait d'être ainsi grondée devant Silbert. Celui-ci, en face d'elle, éprouvait un malaise. Un soir, étant venu tard, pendant une absence de son oncle, il avait trouvé la mère et la fille ivres mortes devant une bouteille vide. Depuis ce moment, il ne pouvait revoir sa cousine sans se rappeler le spectacle honteux de cet enfant, riant d'un rire épais, ayant de larges plaques rouges sur sa pauvre petite figure pâlie. Il était aussi intimidé par les vilaines histoires qui couraient sur son compte. Grandi dans une chasteté de cénobite, il la regardait parfois à la dérobée, avec l'étonnement craintif d'un collégien mis en face d'une fille. Quand les deux femmes avaient pris leur aiguille et se tuaient les yeux à lui raccommoder ses vieilles chemises, Macquart, assis sur le meilleur siège, se renversait voluptueusement, sirotant et fumant, un homme qui savoure sa fainéantise. C'était l'heure où le vieux coquin accusait les riches de boire la sueur du peuple. Il avait des emportements superbes contre ces messieurs de la ville neuve qui vivaient dans la paresse et se faisaient entretenir par le pauvre monde. Les lambeaux d'idées communistes qu'il avait pris le matin dans les journaux devenaient grotesques et monstrueux en passant par sa bouche. Il parlait d'une époque prochaine où personne ne serait plus obligé de travailler. Mais il gardait pour les Rougon ses haines les plus féroces. Il n'arrivait pas à digérer les pommes de terre qu'il avait mangées. « J'ai vu, disait-il, cette gueuse de Félicité qui cachait ce matin un poulet à la halle. Ils mangent du poulet, ces voleurs d'héritage. »« Tante Edith, répondait Silver, prétend que mon oncle Pierre était bon pour vous à votre retour du service. N'a-t-il pas dépensé une forte somme pour vous habiller et vous loger ?»« Une forte somme !» hurlait Macquart exaspéré. « Ta grand-mère est folle. Ce sont ces brillants qui ont fait courir ces bruits-là. Afin de me fermer la bouche, je n'ai rien reçu. » Finn intervenait encore maladroitement, rappelant à son mari qu'il avait eu 200 francs, plus un vêtement complet et une année de loyer. Antoine lui criait de se taire, il continuait avec une furie croissante. « 200 francs, la belle affaire, c'est mon dû que je veux, c'est 10 000 francs. Ah oui, parlons du bouge où ils m'ont jeté comme un chien et de la vieille redingote que Pierre m'a donnée parce qu'il n'osait plus la mettre tant elle était sale et trouée. » Il mentait, mais personne, devant sa colère, ne protestait plus. Puis, se tournant vers Silver, « Tu es encore bien naïf, toi, de les défendre, » ajoutait-il. « Ils ont dépouillé ta mère, et la brave femme ne serait pas morte s'il avait eu de quoi se soigner. » « Non, vous n'êtes pas juste, mon oncle, » disait le jeune homme. « Ma mère n'est pas morte faute de soins, et je sais que jamais mon père n'aurait accepté un sou de la famille de sa femme. »« Bah, laisse-moi tranquille. Ton père aurait pris l'argent tout comme un autre. Nous avons été dévalisés indignement. Nous devons rentrer dans notre bien. » Et Macquart recommençait pour la 100e fois l'histoire des 50 000 francs. Son neveu, qui la savait par cœur, orné de toutes les variantes dont il enjolivait, l'écoutait avec quelque impatience. « Si tu étais un homme, disait Antoine en finissant, tu viendrais un jour avec moi, et nous ferions un beau vacarme chez les Rougon. Nous ne sortirions pas sans qu'on nous donnât de l'argent. » Mais Silver devenait grave et répondait d'une voix nette, « Si ces misérables nous ont dépouillés, tant pis pour eux. « Je ne veux pas de leur argent. Voyez-vous, mon oncle, ce n'est pas à nous qu'il appartient de frapper notre famille. Ils ont mal agi, ils seront terriblement punis un jour. » Ah, quel grand innocent ! Cria l'oncle. Quand nous serons les plus forts, tu verras si je ne fais pas mes petites affaires moi-même. Le bon Dieu s'occupe bien de nous. La seule famille que la nôtre. Je crèverai de faim. Que pas un de ces gueux-là ne me jetterait un morceau de pain sec. Lorsque Macquart entamait ce sujet, il ne tarissait pas. Il montrait à nu les blessures saignantes de son envie. Il voyait rouge dès qu'il venait à songer que lui seul n'avait pas eu de chance dans la famille, et qu'il mangeait des pommes de terre quand les autres avaient de la viande à discrétion. Tous ses parents, jusqu'à ses petits-neveux, passaient alors par ses mains, et il trouvait des griefs et des menaces contre chacun d'eux. « Oui, oui, » répétait-il avec amertume, « il me laisserait crever comme un chien. » Gervaise, sans lever la tête, sans cesser de tirer son aiguille, disait parfois timidement, « Pourtant, papa, mon cousin Pascal a été bon pour nous l'année dernière quand tu étais malade. » Il t'a soigné sans jamais demander un sou, reprenait Fine, venant au secours de sa fille, et souvent il m'a glissé des pièces de 5 francs pour te faire du bouillon. Lui, il m'aurait fait crever si je n'avais pas eu une bonne constitution, s'exclamait Macquart. Taisez-vous, bête, vous vous laisseriez entortiller comme des enfants. Ils voudraient tous me voir mort. Lorsque je serai malade, je vous prie de ne plus aller chercher mon neveu, car je n'étais déjà pas si tranquille que ça, de me sentir entre ses mains. « C'est un médecin de 4 sous, il n'a pas une personne comme il faut dans sa clientèle. » Puis Macquart, une fois lancé, ne s'arrêtait plus. « C'est comme cette petite vipère d'Aristide, » disait-il, « c'est un faux frère, un traître. Est-ce que tu te laisses prendre à ces articles de l'Indépendant, toi, Silver ? Tu serais un fameux niais. Ils ne sont pas même écrits en français, ces articles. J'ai toujours dit que ce républicain de contrebande s'entendait avec son digne père pour se moquer de nous. Tu verras. » Comme il retournera sa veste. Et son frère, l'illustre Eugène, ce gros bêta dont les Rougons font tant d'embarras, est-ce qu'ils n'ont pas le toupet de prétendre qu'il a à Paris une belle position? Je la connais, moi, sa position. Il est employé à la rue de Jérusalem. C'est un mouchard. Qui vous l'a dit? Vous n'en savez rien, interrompait Silver, dont l'esprit droit finissait par être blessé des accusations mensongères de son oncle. Ah, je n'en sais rien. Tu crois cela? « Je te dis que c'est un mouchard. Tu te feras tourner comme un agneau avec ta bienveillance. Tu n'es pas un homme. Je ne veux pas dire du mal de ton frère François, mais à ta place, je serais joliment vexé de la façon pingre dont il se conduit à ton égard. Il gagne de l'argent gros comme lui à Marseille. Il ne t'enverrait jamais une misérable pièce de 20 francs pour tes menus plaisirs. Si tu tombes un jour dans la misère, je ne te conseille pas de t'adresser à lui. Je n'ai besoin de personne. » répondait le jeune homme d'une voix fière et légèrement altérée. « Mon travail nous suffit, à moi et à Tandide. Vous êtes cruel, mon oncle. »« Moi, je dis la vérité, voilà tout. Je voulais t'ouvrir les yeux. Notre famille est une sale famille. C'est triste, mais c'est comme ça. Il n'y a pas jusqu'au petit Maxime, le fils d'Aristide, ce mioche de 9 ans, qui ne me tire la langue quand il me rencontre. Cet enfant battra sa mère un jour et ce sera bien fait. Bah, tu as beau dire, tous ces gens-là ne méritent pas leur chance. » Mais ça se passe toujours ainsi dans les familles. Les bons pâtissent et les mauvais font fortune. Tout ce linge sale que Macquart lavait avec tant de complaisance devant son neveu écœurait profondément le jeune homme. Il aurait voulu remonter dans son rêve. Dès qu'il donnait des signes trop vifs d'impatience, Antoine employait les grands moyens pour l'exaspérer contre leurs parents. « Défends-les, défends-les » disait-il en paraissant se calmer. « Moi, en somme, je me suis arrangé de façon à ne plus avoir affaire à eux. Ce que je t'en dis, c'est par tendresse pour ma pauvre mère que toute cette clique traite vraiment d'une façon révoltante. « Ce sont des misérables, » murmurait Silver. « Oh, tu n'en sais rien. Tu n'entends rien, toi. Il n'y a pas d'injure que les Rougons ne disent contre la brave femme. Aristide a défendu à son fils de jamais la saluer. Félicité parle de la faire enfermer dans une maison de folle. Le jeune homme, pâle comme un linge, interrompait brusquement son oncle. « Assez, » criait-il, « je ne veux pas en savoir davantage, il faudra que tout cela finisse. »« Je me tais, puisque ça te contrarie, » reprenait le vieux coquin en faisant le bonhomme. « Il y a des choses pourtant que tu ne dois pas ignorer, à moins que tu ne veuilles jouer le rôle d'un imbécile. » Macquart, tout en s'efforçant de jeter Silver sous les Rougons, goûtait une joie exquise à mettre des larmes de douleur dans les yeux du jeune homme. Il le détestait peut-être plus que les autres, parce qu'il était excellent ouvrier et qu'il ne buvait jamais. Aussi exigeait-il ses plus fines cruautés à inventer des mensonges atroces qui frappaient au cœur le pauvre garçon. Il jouissait alors de sa pâleur, du tremblement de ses mains, de ses regards navrés, avec la volupté d'un esprit méchant qui calcule ses coups et qui a touché sa victime au bon endroit. Puis, quand il croyait avoir suffisamment blessé et exaspéré Silver, il abordait enfin la politique. « On m'a assuré, disait-il en baissant la voix, que les Rougon préparent un mauvais coup. » « Un mauvais coup ? » interrogeait Silver, devenu attentif. « Oui, on doit saisir, une de ces nuits prochaines, tous les bons citoyens de la ville et les jeter en prison. » Le jeune homme commençait par douter. Mais son oncle donnait des détails précis. Il parlait de listes dressées. Il nommait les personnes qui se trouvaient sur ces listes. Il indiquait de quelle façon, à quelle heure et dans quelles circonstances s'exécuterait le complot. Peu à peu, Silver se laissait prendre à ce conte de bonne femme, et bientôt il délirait contre les ennemis de la République. « Ce sont eux, cria-t-il, que nous devrions réduire à l'impuissance s'ils continuent à trahir le pays, et que comptent-ils faire des citoyens qu'ils arrêteront ?»« Ce qu'ils comptent en faire, répondait Macquart avec un petit rire sec, mais ils les fusilleront dans les basses fosses des prisons. » Et comme le jeune homme, stupide d'horreur, le regardait sans pouvoir trouver une parole, « Et ce ne sera pas les premiers qu'on y assassinera !» continuait-il. « Tu n'as qu'à les rôder le soir derrière le palais de justice. Tu y entendras des coups de feu et des gémissements. « Oh, les infâmes !» murmurait Silver. Alors l'oncle et le neveu se lançaient dans la haute politique. Fine et Gervaise, en les voyant aux prises, allaient se coucher doucement sans qu'ils s'en aperçussent. Jusqu'à minuit, les deux hommes restaient ainsi à commenter les nouvelles de Paris, à parler de la lutte prochaine et inévitable. Macquart déblatérait amèrement contre les hommes de son parti. Silver rêvait tout haut, et pour lui seul, son rêve de liberté idéale. Étranges entretiens, pendant lesquels l'oncle se versait un nombre incalculable de petits verres, et dont le neveu sortait gris d'enthousiasme. Antoine ne put cependant jamais obtenir du jeune républicain un calcul perfide, un plan de guerre contre les Rougon. Il eut beau le pousser, il n'entendit sortir de sa bouche que des appels à la justice éternelle, qui tôt ou tard punirait les méchants. Le généreux enfant parlait bien avec fièvre de prendre les armes et de massacrer les ennemis de la République. Mais dès que ses ennemis sortaient du rêve et se personnifiaient dans son oncle Pierre ou dans toute autre personne de sa connaissance, il comptait sur le ciel pour lui éviter l'horreur du sang versé. Il est à croire qu'il aurait même cessé de fréquenter Macquart, dont les fureurs jalouses lui causaient une sorte de malaise, s'il n'avait goûté la joie de parler librement chez lui de sa chère République. Toutefois, son oncle eut sur sa destinée une influence décisive. Il irrita ses nerfs par ses continuelles diatribes. Il acheva de lui faire souhaiter âprement la lutte armée, la conquête violente du bonheur universel. Comme Silver atteignait sa 16e année, Macquart le fit initier à la Société secrète des Montagnards, cette association puissante qui couvrait tout le Midi. Dès ce moment, le jeune républicain couva des yeux la carabine du contrebandier qu'Adélaïde avait accrochée sur le manteau de la cheminée. Une nuit, pendant que sa grand-mère dormait, il la nettoya, la remit en état. Puis il la replaça à son clou et attendit. Et il se perçait dans ses rêveries d'illuminé. Il bâtissait des épopées gigantesques, voyant en plein idéal des luttes homériques, des sortes de tournois chevaleresques dont les défenseurs de la liberté sortaient vainqueurs et acclamés par le monde entier. Macquart, malgré l'inutilité de ses efforts, ne se découragea pas. Il se dit qu'il suffirait seul à étrangler les Rougon, s'il pouvait jamais les tenir dans un petit coin. Ses rages de fainéant envieux et affamé s'accrurent encore à la suite d'accidents successifs qui l'obligèrent à se remettre au travail. Vers les premiers jours de l'année 1850, Fine mourut presque subitement d'une fluxion de poitrine qu'elle avait prise en allant laver un soir le linge de la famille à la Viorne et en le rapportant mouillé sur son dos. Elle était rentrée trempée d'eau et de sueur, écrasée par ce fardeau qui pesait un poids énorme, et ne s'était plus relevée. Cette mort consterna Macquart. Son revenu le plus assuré lui échappait. Quand il vendit, au bout de quelques jours, le chaudron dans lequel sa femme faisait bouillir ses châtaignes et le chevalet qui lui servait à rempailler ses vieilles chaises, il accusa grossièrement le bon Dieu de lui avoir pris la défunte, cette forte commère dont il avait eu honte et dont il sentait à cette heure tout le prix. Il se rabattit sur le gain de ses enfants avec plus d'avidité. Mais un mois plus tard, Gervaise, lasse de ses continuelles exigences, s'en alla avec ses deux enfants et Lantier, dont la mère était morte. Les amants se réfugièrent à Paris. Antoine, atterré, s'emporta ignoblement contre sa fille, en lui souhaitant de crever à l'hôpital comme ses pareils. Ce débordement d'injures n'améliora pas sa situation qui, décidément, devenait mauvaise. Jean suivit bientôt l'exemple de sa sœur. Il attendit un jour de paye et s'arrangea de façon à toucher lui-même son argent. Il dit en partant à un de ses amis, qui le répéta à Antoine, qu'il ne voulait plus nourrir son fainéant de père et que si ce dernier s'avisait de le faire ramener par les gendarmes, il était décidé à ne plus toucher une scie ni un rabot. Le lendemain, lorsqu'Antoine lui cherchait inutilement et qu'il se trouva seul, sans un sou, dans le logement où pendant 20 ans il s'était fait grassement entretenir, il entra dans une rage atroce, donnant des coups de pied aux meubles, hurlant les imprécations les plus monstrueuses. Puis il s'affaissa, il se mit à traîner les pieds, à geindre comme un convalescent. La crainte d'avoir gagné son pain le rendait positivement malade. Quand Silbert vint le voir, il se plaignit avec des larmes de l'ingratitude des enfants. N'avait-il pas toujours été un bon père? Jean et Gervaise étaient des monstres qui le récompensaient bien mal de tout ce qu'il avait fait pour eux. Maintenant, il l'abandonnait parce qu'il était vieux et qu'il ne pouvait plus rien tirer de lui. « Mais, mon oncle, dit Silbert, vous êtes encore d'un âge à travailler. » Macquart, toussant, se courbant, hocha lugubrement la tête, comme pour dire qu'il ne résisterait pas longtemps à la moindre fatigue. Au moment où son neveu allait se retirer, il lui emprunta 10 francs. Il vécut 1 mois en portant un à un chez un fripier les vieux effets de ses enfants et en vendant également peu à peu tous les menus objets du ménage. Bientôt, il n'eut plus qu'une table, une chaise, son lit et les vêtements qu'il portait. Il finit même par troquer la couchette de noyer contre un simple lit de sangle. Quand il fut à bout de ressources, pleurant de rage, avec la pâleur farouche d'un homme qui se résigne au suicide, il alla chercher le paquet d'osier oublié dans un coin depuis 15 siècles. En le prenant, il parut soulever une montagne, et il se remit à tresser des corbeilles et des paniers, accusant le genre humain de son abandon. Ce fut alors, surtout, qu'il parla de partager avec les riches. Il se montra terrible, il incendiait de ses discours l'estaminet, où ses regards furibonds lui assuraient un crédit illimité. D'ailleurs, il ne travaillait que lorsqu'il n'avait pu soutirer une pièce de 100 sous à Silbert ou à un camarade. Il ne fut plus Monsieur Macquart, cet ouvrier rasé et endimanché tous les jours, qui jouait aux bourgeois. Il redevint le grand diable malpropre qui avait spéculé jadis sur ses haillons. Maintenant qu'il se trouvait presque à chaque marché pour vendre ses corbeilles, Félicité n'osait plus aller à la halle. Il lui fit une fois une scène atroce. Sa haine pour les Rougon croissait avec sa misère. Il jurait, en proférant d'effroyables menaces, de se faire justice lui-même puisque les riches s'entendaient pour le forcer au travail. Dans ses dispositions d'esprit, il accueillit le coup d'état avec la joie chaude et bruyante d'un chien qui flaire la curée. Les quelques libéraux honorables de la ville, n'ayant pu s'entendre et se tenant à l'écart, il se trouva naturellement un des agents les plus en vue de l'insurrection. Les ouvriers, malgré l'opinion déplorable qu'ils avaient fini par avoir de ce paresseux, devaient le prendre à l'occasion comme un drapeau de ralliement. Mais les premiers jours, la ville restant paisible, Macquart crut ses plans déjoués. Ce fut seulement la nouvelle du soulèvement des campagnes qu'il se remit à espérer. Pour rien au monde, il n'aurait quitté Plassans. Aussi inventa-t-il un prétexte pour ne pas suivre les ouvriers qui allèrent, le dimanche matin, rejoindre la bande insurrectionnelle de la Palude et de Saint-Martin-de-Vaux. Le soir du même jour, il était avec quelques fidèles dans un estaminet borgne du vieux quartier, lorsqu'un camarade accourut les prévenir que les insurgés se trouvaient à quelques kilomètres de Plassans. Cette nouvelle venait d'être apporté par une estafette qui avait réussi à pénétrer dans la ville et qui était chargée d'en faire ouvrir les portes à la colonne. Il y eut une explosion de triomphe. Macquart surtout parut délirer d'enthousiasme. L'arrivée imprévue des insurgés lui sembla une attention délicate de la Providence à son égard, et ses mains tremblaient à la pensée qu'il tiendrait bientôt les Rougons à la gorge. Cependant, Antoine et ses amis sortirent en hâte du café. Tous les républicains qui n'avaient pas encore quitté la ville se trouvèrent bientôt réunis sur le cours Sauvert. C'était cette bande que Rougon avait aperçue en courant se cacher chez sa mère. Lorsque la bande fut arrivée à la hauteur de la rue de la Vanne, Macquart, qui s'était mis à la queue, fit rester en arrière 4 de ses compagnons, grands gaillards de peu de cervelle, qu'il dominait de tous ses bavardages de café. il leur persuada aisément qu'il fallait arrêter sur le champ les ennemis de la République si on voulait éviter les plus grands malheurs. La vérité était qu'il craignait de voir Pierre lui échapper au milieu du trouble que l'entrée des insurgés allait causer. Les quatre grands gaillards les suivirent avec une docilité exemplaire et vinrent heurter violemment à la porte des Rougon. Dans cette circonstance critique, Félicité fut admirable de courage. Elle descendit ouvrir la porte de la rue. « Nous voulons monter chez toi, » lui dit brutalement Macquart. « C'est bien, messieurs, montez, » répondit-elle avec une politesse ironique en feignant de ne pas reconnaître son beau-frère. En haut, Macquart lui ordonna d'aller chercher son mari. « Mon mari n'est pas ici, » dit-elle de plus en plus calme. « Il est en voyage pour ses affaires. Il a pris la diligence de Marseille, ce soir, à 6 heures. » Antoine, à cette déclaration faite d'une voix nette, eut un geste de rage. Il entra violemment dans le salon, passa dans la chambre à coucher, bouleversa le lit, regardant derrière les rideaux et sous les meubles. Les quatre grands gaillards l'aidaient. Pendant un quart d'heure, ils fouillèrent l'appartement. Félicité s'était paisiblement assise sur le canapé du salon et s'occupait à renouer les cordons de ses jupes comme une personne qui vient d'être surprise dans son sommeil et qui n'a pas eu le temps de se vêtir convenablement. « C'est pourtant vrai, il s'est sauvé le lâche !» bégaya Macquart en revenant dans le salon. Il continua pourtant de regarder autour de lui d'un air soupçonneux. Il avait le pressentiment que Pierre ne pouvait avoir abandonné la partie au moment décisif. Il s'approcha de Félicité qui bâillait. « Indique-nous l'endroit où ton mari est caché, lui dit-il, et je te promets qu'il ne lui sera fait aucun mal. Je vous ai dit la vérité, » répondit-elle avec impatience. « Je ne puis pourtant pas vous livrer mon mari puisqu'il n'est pas ici. Vous avez regardé partout, n'est-ce pas? Laissez-moi tranquille maintenant. » Macquart, exaspéré par son sang-froid, allait certainement l'abattre lorsqu'un bruit sourd monta de la rue. C'était la colonne des insurgés qui s'engageait dans la rue de la Banne. Il dut quitter le salon jaune après avoir montré le poing à sa belle-sœur en la traitant de vieille gueuse et en la menaçant de revenir bientôt. Au bas de l'escalier, il prit à part un des hommes qui l'avait accompagné, un terrassier nommé Cassout, le plus épais des quatre, et lui ordonna de s'asseoir sur la première marche et de n'en pas bouger jusqu'à nouvel ordre. « Tu viendras m'avertir, lui dit-il, si tu voyais rentrer la canaille d'en haut. » L'homme s'assit pesamment. Quand il fut sur le trottoir, Macquart, levant les yeux, aperçut Félicité accoudée à une fenêtre du salon jaune et regardant curieusement le défilé des insurgés, comme s'il se fût agi d'un régiment traversant la ville, musique en tête. Cette dernière preuve de tranquillité parfaite l'irrita au point qu'il fut tenté de remonter pour jeter la vieille femme dans la rue. Il suivait la colonne en murmurant d'une voix sourde. « Oui, oui, regarde-nous passer. Nous verrons si demain tu te mettras à ton balcon. » Il était près de 11 heures du soir lorsque les insurgés entrèrent dans la ville par la porte de Rome. Ce furent les ouvriers restés à Plassans qui leur ouvrirent cette porte à deux battants, malgré les lamentations du gardien, auquel on arracha les clés que par la force. Cet homme, très jaloux de ses fonctions, demeura anéanti devant ce flot de foule, lui qui ne laissait entrer qu'une personne à la fois après l'avoir longuement regardé au visage. Il murmurait qu'il était déshonoré. À la tête de la colonne marchaient toujours les hommes de Plassans guidant les autres. Miette, au premier rang, ayant Silver à sa gauche, levait le drapeau avec plus de crânerie, depuis qu'elle sentait, derrière les persiennes closes, des regards effarés de bourgeois réveillés en sursaut. Les insurgés suivirent, avec une prudente lenteur, les rues de Rome et de la Banne. À chaque carrefour, ils craignaient d'être accueillis à coups de fusil, bien qu'ils connussent le tempérament calme des habitants. Mais la ville semblait morte. À peine entendait-on en fenêtre des exclamations étouffées. 5 ou 6 persiennes seulement s'ouvrirent. Quelques vieux rentiers se montraient, en chemise, une bougie à la main, se penchant pour mieux voir. Puis, dès que le bonhomme distinguait la grande fille rouge qui paraissait traîner derrière elle cette foule de démons noirs, il refermait précipitamment sa fenêtre, terrifié par cette apparition diabolique. Le silence de la ville endormie tranquillisa les insurgés qui osèrent s'engager dans les ruelles du vieux quartier et qui arrivèrent ainsi sur la place du marché et sur la place de l'hôtel de ville qu'une rue courte et large relie entre elles. Les deux places, plantées d'arbres maigres, se trouvaient vivement éclairées par la lune. Le bâtiment de l'hôtel de ville, fraîchement restauré, faisait, au bord du ciel clair, une grande tache d'une blancheur crue, sur laquelle le balcon du premier étage détachait en minces lignes noires ses arabesques de fer forgé. On distinguait nettement plusieurs personnes debout sur ce balcon, le maire, le commandant Sicardo, 3 ou 4 conseillers municipaux et d'autres fonctionnaires. En bas, les portes étaient fermées. Les 3000 républicains qui emplissaient les deux places s'arrêtèrent, levant la tête, prêts à enfoncer les portes d'une poussée. L'arrivée de la colonne insurrectionnelle, à pareille heure, surprenait l'autorité à l'improviste. Avant de se rendre à la mairie, le commandant Sicardo avait pris le temps d'aller endosser son uniforme. Il fallut ensuite courir veiller le maire. Quand le gardien de la porte de Rome, laissé libre par les insurgés, vint annoncer que les scélérats étaient dans la ville, le commandant n'avait encore réuni à grand-peine qu'une 20aine de gardes nationaux. Les gendarmes, dont la caserne était cependant voisine, ne purent même être prévenus. On dut fermer les portes à la hâte pour délibérer. 5 minutes plus tard, un roulement sourd et continu annonçait l'approche de la colonne. M. Garçonnet, parrain de la République, aurait vivement souhaité de se défendre, mais c'était un homme prudent qui comprit l'inutilité de la lutte, en ne voyant autour de lui que quelques hommes pâles et à peine éveillés. La délibération ne fut pas longue. Seul Sicardo s'entêta. Il voulait se battre. Il prétendait que 20 hommes suffiraient pour mettre ces 3000 canailles à la raison. M. Garçonnet haussa les épaules et déclara que l'unique parti à prendre était de capituler d'une façon honorable. Comme les brouhahas de la foule croissaient, il se rendit sur le balcon où toutes les personnes présentes le suivirent. Peu à peu, le silence se fit. En bas, dans la messe noire et frissonnante des insurgés, les fusils et les faux luisaient au clair de lune. « Qui êtes-vous ? Et que voulez-vous ? » cria le maire d'une voix forte. Alors un homme en paletot, un propriétaire de la palude, s'avança. « Ouvrez la porte ! » dit-il, sans répondre aux questions de M. Garçonnet. « Évitez une lutte fratricide. Je vous somme de vous retirer, » reprit le maire. « Je proteste au nom de la loi. » Ces paroles soulevèrent dans la foule des clameurs assourdissantes. Quand le tumulte fut un peu calmé, des interpellations véhémentes montèrent jusqu'au balcon. Des voix crièrent. « C'est au nom de la loi que nous sommes venus. Votre devoir, comme fonctionnaire, est de faire respecter la loi fondamentale du pays, la Constitution, qui vient d'être outrageusement violée. Vive la Constitution ! Vive la République !» Et comme M. Garçonnet essayait de se faire entendre et continuait à invoquer sa qualité de fonctionnaire, le propriétaire de la palude, qui était resté au bas du balcon, l'interrompit avec une grande énergie. « Vous n'êtes plus, dit-il, que le fonctionnaire d'un fonctionnaire déchu. Nous venons vous casser de vos fonctions. » Jusque-là, le commandant Sicardo avait terriblement mordu ses moustaches en mâchant de sourdes injures. La vue des bâtons et des folles exaspérait. Il faisait des efforts inouïs pour ne pas traiter comme il le méritait ces soldats de 4 sous qui n'avaient pas même chacun un fusil. Mais quand il entendit un monsieur en simple paletot parler de casser un maire saint de son écharpe, il ne put se taire davantage. Il cria « Tas de gueux ! Si j'avais seulement 4 hommes et un caporal, je descendrais vous tirer les oreilles pour vous rappeler au respect. » Il n'en fallait pas tant pour occasionner les plus graves accidents. Un long cri courut dans la foule, qui se rua contre les portes de la mairie. M. Garçonnet, concerné, se hâta de quitter le balcon en suppliant Sicardo d'être raisonnable s'il ne voulait pas les faire massacrer. En 2 minutes, les portes cédèrent, le peuple envahit la mairie et désarma les gardes nationaux. Le maire et les autres fonctionnaires présents furent arrêtés. Sicardo, qui voulait refuser son épée, dut être protégé par le chef du contingent des Tulettes, homme d'un grand sang-froid, contre l'exaspération de certains insurgés. Quand l'hôtel de ville fut au pouvoir des républicains, ils conduisirent les prisonniers dans un petit café de la place du marché où ils furent gardés à vue. L'armée insurrectionnelle aurait évité de traverser Plassans si les chefs n'avaient jugé qu'un peu de nourriture et quelques heures de repos étaient pour leurs hommes d'une absolue nécessité. Au lieu de se porter directement sur le chef-lieu, la colonne, par une inexpérience et une faiblesse inexcusable du général improvisé qui la commandait, accomplissait alors une conversion à gauche, une sorte de large détour qui devait la mener à sa perte. Elle se dirigeait vers les plateaux de Saint-Rour, éloignée encore d'une 10aine de lieues, et c'était la perspective de cette longue marche qu'il avait décidé à pénétrer dans la ville malgré leur avancée. Il ne pouvait être alors 11h30. Lorsque M. Garçonnet sut que la bande réclamait des vivres, il s'offrit pour lui en procurer. Ce fonctionnaire montra, en cette circonstance difficile, une intelligence très nette de la situation. Ces 3000 affamés devaient être satisfaits. Il ne fallait pas que Plassans, à son réveil, les trouva encore assis sur les trottoirs de ses rues. S'ils partaient avant le jour, ils auraient simplement passé au milieu de la ville endormie comme un mauvais rêve, comme un de ces cauchemars que l'aube dissipe. Bien qu'il restât prisonnier, M. Garçonnet, suivi par deux gardiens, alla frapper aux portes des boulangers et fit distribuer aux insurgés toutes les provisions qu'il put découvrir. Vers 1 heure, les 3000 hommes, accroupis à terre, tenant leurs armes entre leurs jambes, mangeaient. La place du marché, celle de l'hôtel de ville, était transformée en de vastes réfectoires. Malgré le froid vif, il y avait des traînées de gaieté dans ces deux foules grouillantes, dont les clartés vives de la lune dessinaient vivement les moindres groupes. Les pauvres affamés dévoraient joyeusement leur part en soufflant dans leurs doigts. Et du fond des rues voisines, où l'on distinguait de vagues formes noires assises sur le seuil blanc des maisons, venaient aussi des rires brusques qui coulaient de l'ombre et se perdaient dans la grande cohue. Aux fenêtres, les curieux enhardis, les bonnes femmes coiffées de foulards, regardaient manger ces terribles insurgés, ces buveurs de sang allant à tour de rôle boire à la pompe du marché dans le creux de leurs mains. Pendant que l'hôtel de ville était envahi, la gendarmerie, située à 2 pas dans la rue Cancoin, qui donne sur la halle, tomba également au pouvoir du peuple. Les gendarmes furent surpris dans leur lit et désarmés en quelques minutes. Les poussées de la foule avaient entraîné Miette et Silver de ce côté. L'enfant, qui serrait toujours la hampe du drapeau contre sa poitrine, fut collé contre le mur de la caserne, tandis que le jeune homme, emporté par le flot humain, pénétrait à l'intérieur et aidait ses compagnons à arracher aux gendarmes les carabines qu'ils avaient saisies à la hâte. Silver, devenu farouche, grisé par l'élan de la bande, s'attaqua à un grand diable de gendarme, nommé Rangade, avec lequel il lutta quelques instants. Il parvint, d'un mouvement brusque, à lui enlever sa carabine. Le canon de l'arme alla frapper violemment Rangade au visage et lui creva l'œil droit. Le sang coula, des éclaboussures jaillirent sur les mains de Silver, qui fut subitement dégrisé. Il regarda ses mains, il lâcha la carabine, puis sortit en courant, la tête perdue, secouant les doigts. « Tu es blessé ?» cria Mienne. « Non, non !» répondit-il d'une voix étouffée. « C'est un gendarme que je viens de tuer. Est-ce qu'il est mort ? Je ne sais pas. Il avait du sang plein la figure. Bien vite !» Il entraîna la jeune fille. Arrivé à la halle, il la fit asseoir sur un banc de pierre. Il lui dit de l'attendre là. Il regardait toujours ses mains. Il balbutiait. Miette finit par comprendre, à ses paroles entrecoupées, qu'il voulait aller embrasser sa grand-mère avant de partir. « Eh bien, ben, dit-elle, ne t'inquiète pas de moi, lave tes mains. » Il s'éloigna rapidement, tenant ses doigts écartés, sans songer à les tremper dans les fontaines auprès desquelles il passait. Depuis qu'il avait senti sur sa peau la tiédeur du sang de Rangade, la seule idée le poussait, courir auprès de tante Did et se laver les mains dans l'auge du puits au fond de la petite cour. Là seulement, il croyait pouvoir effacer ce sang. Toute son enfance paisible et tendre s'éveillait. Il éprouvait un besoin irrésistible de se réfugier dans les jupes de sa grand-mère, ne fût-ce que pendant 1 minute. Il arriva haletant. Tante Did n'était pas couchée, ce qui aurait surpris Silver en tout autre moment. Mais il ne vit pas même, en entrant, son oncle Rougon assis dans un coin sur le vieux coffre. Il n'attendit pas les questions de la pauvre vieille. « Grand-mère, dit-il rapidement, il faut me pardonner. Je vais partir avec les autres. Vous voyez, j'ai du sang. Je crois que j'ai tué un gendarme. » « Tu as tué un gendarme ?» répéta Tandy d'une voix étrange. Des clartés aiguës s'allumaient dans ses yeux fixés sur les taches rouges. Brusquement, elle se tourna vers le manteau de la cheminée. « Tu as pris le fusil, dit-elle. Où est le fusil ?» Silver, qui avait laissé la carabine auprès de Miette, lui jura que l'arme était en sûreté. Pour la première fois, Adélaïde fit allusion au contrebandier Macquart devant son petit-fils. « Tu rapporteras le fusil, tu me le promets ?» dit-elle avec une singulière énergie. « C'est tout ce qui me reste de lui. Tu as tué un gendarme. Lui, ce sont les gendarmes qui l'ont tué. » Elle continua à regarder Silver fixement, d'un air de cruelle satisfaction, sans paraître songer à le retenir. Elle ne lui demandait aucune explication. Elle ne pleurait point, comme ces bonnes grand-mères qui voient leurs petits-enfants à l'agonie pour la moindre égratignure. Tout son être se tendait vers une même pensée qu'elle finit par formuler avec une curiosité ardente. « Est-ce que c'est avec le fusil que tu as tué le gendarme ? » demanda-t-elle. Sans doute Silver entendit mal ou ne comprit pas. « Oui, répondit-il, je vais me laver les mains. » Ce ne fut qu'en revenant du puits qu'il aperçut son oncle. Pierre avait entendu en pâlissant les paroles du jeune homme. Vraiment, Félicité avait raison, sa famille prenait plaisir à le compromettre. Voilà maintenant qu'un de ses neveux tuait les gendarmes. Jamais il n'aurait la place de receveur s'il n'empêchait ce faux furieux de rejoindre les insurgés. Il se mit devant la porte décidé à ne pas le laisser sortir. « Écoutez, » dit-il à Silver, très surpris de le trouver là, « je suis le chef de la famille. Je vous défends de quitter cette maison. Il y va de votre honneur et du nôtre. Demain, je tâcherai de vous faire gagner la frontière. » Silver haussa les épaules. « Laissez-moi passer, » répondit-il tranquillement. « Je ne suis pas un mouchard. Je ne ferai pas connaître votre cachette. Soyez tranquille. » Et comme Rougon continuait de parler de la dignité de la famille et de l'autorité que lui donnait sa qualité d'aîné, « Est-ce que je suis de votre famille ?» continua le jeune homme. « Vous m'avez toujours renié. Aujourd'hui, la peur vous a poussé ici parce que vous sentez bien que le jour de la justice est venu. Voyons en place. Je ne me cache pas, moi. J'ai un devoir à accomplir. » Rougon ne bougeait pas. Alors Candide, qui écoutait les paroles véhémentes de Silver avec une sorte de ravissement, posa sa main sèche sur le bras de son fils. « Ôte-toi, Pierre, dit-elle, il faut que l'enfant sorte. » Le jeune homme poussa légèrement son oncle et s'élança dehors. Rougon, en refermant la porte avec soin, dit à sa mère d'une voix pleine de colère et de menaces. « S'il lui arrive malheur, ce sera de votre faute. Vous êtes une vieille folle. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. » Mais Adélaïde ne parut pas l'entendre. Elle alla jeter un sarment dans le feu qui s'éteignait, en murmurant avec un vague sourire. « Je connais ça. Il restait des mois entiers dehors. Puis il me revenait mieux pourtant. » Elle parlait sans doute de Macar. Cependant, Silver regagna la halle en courant. Comme il approchait de l'endroit où il avait laissé Miette, il entendit un bruit violent de voix et vit un rassemblement qui lui firent hâter le pas. Une scène cruelle venait de se passer. Des curieux circulaient dans la foule des insurgés depuis que ces derniers s'étaient tranquillement mis à manger. Parmi ces curieux se trouvait Justin, le fils du Mégère Rebuffat, un garçon d'une vingtaine d'années, créature chétive et louche, qui nourrissait contre sa cousine Miette une haine implacable. Au logis, il reprochait le pain qu'elle mangeait. Il la traitait comme une misérable ramassée par charité au coin d'une borne. Il est à croire que l'enfant avait refusé d'être sa maîtresse. Grêle, blafard, les membres trop longs, le visage de travers, il se vengeait sur elle de sa propre laideur et des mépris que la belle et puissante fille avait dû lui témoigner. Son rêve caressé était de la faire jeter à la porte par son père. Aussi l'espionnait-il sans relâche. Depuis quelque temps, il avait surpris ses rendez-vous avec Silver. Il n'attendait qu'une occasion décisive pour tout rapporter à Rebuffat. Ce soir-là, l'ayant vu s'échapper de la maison vers 8 heures, la haine l'emporta, il ne put se taire davantage. Rebuffat, au récit qu'il lui fit, entra dans une colère terrible et dit qu'il chasserait cette coureuse à coups de pied s'il avait l'audace de revenir. Justin se coucha, savourant à l'avance la belle scène qui aurait lieu le lendemain. Puis il éprouva un âpre désir de prendre immédiatement un avant-goût de sa vengeance. Il se rhabilla et sortit. Peut-être rencontrera-t-il Miette. Il se promettait d'être très insolent. Ce fut ainsi qu'il assista à l'entrée des insurgés et qu'il les suivit jusqu'à l'hôtel de ville, avec le vague pressentiment qu'il allait retrouver les amoureux de ce côté. Il finit en effet par apercevoir sa cousine sur le banc où l'attendait Silver. En la voyant vêtue de sa grande pelisse et ayant à côté d'elle le drapeau rouge appuyé contre un pilier de la halle, il se mit à ricaner, à la plaisanter grossièrement. La jeune fille, saisie à sa vue, ne trouva pas une parole. Elle sanglotait sous les injures. Et tandis qu'elle était toute secouée par les sanglots, la tête basse, se cachant la face, Justin l'appelait fille de forçat et lui criait que le père Rebuffat lui ferait danser une fameuse danse si jamais elle s'avisait de rentrer au jamais freine. Pendant un quart d'heure, il la tint ainsi frissonnante et meurtrie. Des gens avaient fait cercle, riant bêtement de cette scène douloureuse. Quelques insurgés intervinrent enfin et menacèrent le jeune homme de lui administrer une correction exemplaire s'il ne laissait pas Miette tranquille. Mais Justin, tout en reculant, déclara qu'il ne les craignait pas. Ce fut à ce moment que parut Silver. Le jeune Rebuffat, en l'apercevant, fit un saut brusque, comme pour prendre la fuite. Il le redoutait, le sachant beaucoup plus vigoureux que lui. Il ne put cependant résister à l'accusante volupté d'insulter une dernière fois la jeune fille devant son amoureux. « Ah, je savais bien, cria-t-il, que le charmant ne devait pas être loin. C'est pour suivre ce toquet, n'est-ce pas, que tu nous as quittés, la malheureuse, elle n'a pas 16 ans, à quand le baptême ?» Il fit encore quelques pas en arrière, en voyant Silver serrer les poings. « Et surtout, continua-t-il avec un ricanement ignoble, ne viens pas faire tes couches chez nous. Tu n'aurais pas besoin de sage-femme. Mon père te délivrerait à coups de pied Entends-tu ? Il se sauva, hurlant, le visage meurtri. Silver, d'un bond, s'était jeté sur lui et lui avait porté en pleine figure un terrible coup de poing. Il ne le poursuivit pas. Quand il revint auprès de Miette, il la trouva debout, essuyant fiévreusement ses larmes avec la paume de sa main. Comme il la regardait doucement pour la consoler, elle eut un geste de brusque énergie. « Non, dit-elle, je ne pleure plus, tu vois, j'aime mieux ça. Maintenant, je n'ai plus de remords d'être partie, je suis libre. » Elle reprit le drapeau, et ce fut elle qui amena Silbert au milieu des insurgés. Il était alors près de 2 heures du matin. Le froid devenait tellement vif que les républicains s'étaient levés, achevant leur pain debout et cherchant à se réchauffer en marquant le pas gymnastique sur place. Les chefs donnèrent enfin l'ordre du départ. La colonne se reforma. Les prisonniers furent placés au milieu. Outre M. Garçonnet et le commandant Sicardo, les insurgés avaient arrêté et emmené M. Perrotte, le receveur, et plusieurs autres fonctionnaires. À ce moment, on vit circuler Aristide parmi les groupes. Le cher garçon, devant ce soulèvement formidable, avait pensé qu'il était imprudent de ne pas rester l'ami des républicains. Mais comme, d'un autre côté, il ne voulait pas trop se compromettre avec eux, il était venu leur faire ses adieux, le bras en écharpe, en se plaignant amèrement de cette maudite blessure qui l'empêchait de tenir une arme. Il rencontra dans la foule son frère Pascal, muni d'une trousse et d'une petite caisse de secours. Le médecin lui annonça, de sa voix tranquille, qu'il allait suivre les insurgés. Aristide le traita tout bas de grand innocent. Il finit par s'esquiver, craignant qu'on ne lui confiât la garde de la ville, poste qu'il jugeait singulièrement périlleux. Les insurgés ne pouvaient songer à conserver Plassans leur pouvoir. La ville était animée d'un esprit trop réactionnaire. Qu'ils cherchassent même à y établir une commission démocratique, comme ils l'avaient déjà fait ailleurs. Ils se seraient éloignés simplement si Macquart, poussé et enhardi par ses haines, n'avait offert de tenir Plassans en respect, à la condition qu'on laissât sous ses ordres une 20aine d'hommes déterminés. On lui donna les 20 hommes, à la tête desquels il alla triomphalement occuper la mairie. Pendant ce temps, la colonne descendait le cours Sauvaire et sortait par la grande porte, laissant derrière elle, silencieuse et déserte, ces rues qu'elle avait traversées comme un coup de tempête. Au loin s'étendaient les routes toutes blanches de lune. Miette avait refusé le bras de Silver. Elle marchait bravement, fermée droite, tenant le drapeau rouge à deux mains sans se plaindre de l'onglet qui lui bleuissait les doigts.